mwen, mwen rete paralize. Le dezye ya vin vlope mwen, mwen komanse pran frison. Si ou teke a plasan mwen, ou teke di ou sa pa vre. Que pour c'est la vérité. Les mouais fait un petit sourire. Comment ça va se faire si moi? Est-ce moi qui amoureux? Ou c'est lui qui dangereux? Depuis longtemps.